Bonsoir chers auditrices et auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, un nouvel épisode de l'Asile le plus sûr sur en tête du 94 MHz. Bienvenue pour une nouvelle dose de nouveautés totalement fraîches dans les musiques de Traverse, que vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi, elles sont un tantinet moins fraîches, à partir du blog asile35.blogspot.fr. Et on va attaquer avec un trio de Bergen qu'on a déjà pratiqué depuis qu'ils ont sorti leur premier album, c'était il y a de ça 5 ans. Quasiment jour pour jour, le projet Cakewalk, un trio donc guitare, le guitariste est plutôt fameux Stéphane Meidel. Il a aussi sorti des disques en solo, également d'ailleurs aussi très récemment un autre projet au sein du label Cleanfeed sous le nom de Velcro. Et au sein de Cakewalk, c'est plutôt du post-rock un peu noise, un peu expérimental dans l'électronique. Lui pratique guitare, basse et électronique. Il a un autre camarade, Austin Scar, qui pratique les claviers, et Ivar Lo-Gjørndal est à la batterie. Ils avaient sorti deux disques en 2012 et 2013, donc consécutivement, et puis on n'avait pas entendu reparler de cela depuis 4 ans. Et ils sortent ces jours-ci un nouvel opus, toujours sur l'excellent label Ubro. Celui-ci s'intitule Ishihara. Le titre qu'on va entendre, qui est le morceau en preview, est assez prometteur. Je ne sais pas trop comment ça va sonner. Le premier album était vraiment très très bon de Cakewalk. Le deuxième, un poil en dessous. Donc on verra bien ce que va donner ce Ishihara. En attendant, on écoute le morceau Shrooms, extrait de ce nouveau Cakewalk. Thank you. démarrer l'asile de cette semaine avec deux groupes aux antipodes. Tout d'abord, le projet norvégien Cakewalk de Bergen et ce Ishihara qui va sortir d'ici quelques jours sur l'excellente marque Ubro, le label à la chouette à qui nous avons consacré une spéciale il y a de ça 2 ans et demi. C'était au, l'été 2015 ou 2016, je ne sais plus très bien. Et donc Cakewalk qui revient avec ce troisième opus, le premier depuis 4 ans, avec un titre en preview assez prometteur pour ce projet mené par le guitariste Stéphane Meidel, qui est le plus actif peut-être des trois de cette bande Cakewalk. Donc c'est un peu à l'image de ce que peut produire le label Ubro, sorte de musique entre de l'expérimentation un peu post-jazz, post-rock, ce genre de choses, avec autant de l'électronique que de la guitare et de l'improvisation, et c'est plutôt pas mal en général. Les disques de Cakewalk, notamment le premier qui était vraiment très très très très chouette en 2012, et on a enchaîné avec un trio de Brisbane sous le nom de Bent. Alors je crois que c'est le Guardian qui dit que ce combo est la sensation australienne du moment. C'est un groupe avec deux filles et un gars. Alors c'est rien de très très nouveau sous le soleil, une sorte de post-punk assez angulaire mais très très bien mené, avec beaucoup de contretemps, et ça sonne vraiment très très bien à mes oreilles, ce premier album long sous le titre Snakes and Shapes, qui est donc leur premier disque, on va dire un peu officiel. Ils ont sorti une cassette en 2014 et aussi des 45 tours de manière assez confidentielle sur les labels Moontown Records et Emotional Response. Ça c'est pour la partie américaine, et ce sont les mêmes labels d'ailleurs qui se sont fendus de ce disque qui n'existe qu'en CD, figurez-vous, ce qui est assez rare pour être signalé. Il y aura peut-être une édition vinyle un peu plus tard dans l'année. En tout cas, cet excellent Snakes and Shapes des Bent est sorti à la fin de l'année 2016, et c'est vraiment très très bon. Il y a des pièces assez énigmatiques, assez moins rock que le titre qu'on entendait, et plutôt dans l'expérimentation un tantinet post-punk. On va continuer un peu dans le même registre avec un musicien qu'on redécouvre ces temps-ci. Il s'agit d'un Autrichien totalement inconnu au bataillon. Il se faisait appeler Xao Sevchek, et c'est quelqu'un qui, c'était son vrai nom d'ailleurs, Sevchek, mais son prénom Alexander, et il officiait plutôt à la fin des années 70, début des années 80, dans une sorte de musique un peu new wave à la germanique, on va dire, avec aussi pas mal de choses. Il y a des ambiances un peu saxophonistiques qui font penser, je sais pas, à du Lounge Lizards, des choses comme ça. Donc ça part un peu dans tous les sens, la musique de Xao Sevchek. J'ai comme l'impression qu'il jouait quasiment tout seul en homme orchestre. Il y a pas mal de photos assez délirantes du monsieur. Et on va écouter le morceau peut-être qui fait le plus penser à du Félix Koubin, de cette musique produite au début des années 80 par monsieur Sevchek, qui a sorti je crois un disque long et puis quelques cassettes ou maxi 45 tours à l'époque. Il a refait surface aussi en 2016, donc il est toujours actif, et ça vient tout juste d'être réédité, en tout cas sa musique, par l'excellent label de Hambourg Bureau B sous le titre Ya Nein Vierleicht Kommt Serkut, quelque chose comme ça, avec une pochette et des illustrations vraiment très très belles. Et on va écouter un titre d'ailleurs avec un vidéoclip vraiment vraiment incroyable de la musique de monsieur Xao Sevchek. On écoute le titre Du und Ich. Thank you. Quelques vieilleries bien senties sur antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr. On a démarré avec la musique de l'Autrichien Xao Sefcek avec deux F et CHQUE et ce disque Janine Verlecht qui a été réédité par le label Bureau B, un peu augmenté d'ailleurs. Janine Verlecht Kommt sehr gut. Je me lasserai jamais de prononcer l'allemand. Et donc ce disque, cette compilation, on pourrait dire, des frasques de cet Autrichien qui pratiquait une sorte de musique un peu expérimentale, un peu no wave, mais à sa façon, dans son coin, et donc apparemment pas mal tout seul aussi, avec beaucoup de re-recordings, et puis un peu touche à tout aussi dans l'instrumentation. Là on a entendu une pièce pour démarrer la séquence plutôt dans le d'obédience électronique de l'époque. Donc début des années 80, il y a des choses un poil plus étranges et c'est plutôt pas mal. Donc c'était une très très bonne idée que le label de Hambourg Bureau B réédite la musique de cet énergumène. Et on a enchaîné avec un autre projet qui revoit le jour avec une réédition à sortir dans quelques semaines. Il s'agit du Non-Band, le non moins célèbre Non-Band, un trio je pense... Bon, je crois que c'était aussi un projet un peu à géométrie variable du post-punk nippon de la fin des années 70, début des années 80. Un projet qui était né sur les cendres du groupe Maria 023 qui avait existé vers 1978-79. Donc c'est un peu les groupes mythiques de la scène post-punk nippon. Et donc s'en est suivi un autre projet sous le nom de Non-Band dans lequel officiait différentes musiciennes, principalement Kino Suke Yamagishi et Mitsuru Namagaki, principalement, donc qui jouaient clarinette, violon, basse et batterie, et puis une petite voix assez affûtée qui faisait penser peut-être à du Mamichan avant l'heure. Et donc le Non-Band, ils avaient sorti un disque aux éditions Telegraph Records en 1982 qui avait été réédité déjà il y a de ça quelques années si je ne m'abuse, et qui revoit le jour grâce à l'excellente marque de Düsseldorf, le label Thal Records, dont s'occupe monsieur Stéphane Schneider parfois aux côtés de son camarade Sven Kassirek, qui s'est entiché donc de rééditer la musique de ce Non-Band, ce non moins célèbre Non-Band qui a revu le jour également, qui avait invité notamment Keiji Eno et Tatsuya Yoshida à les rejoindre sur scène pour une tournée Revival il y a de ça quelques années, entre 2012 et 2015. Ils se sont produits à quelques reprises et donc ça ressort début avril, cette anthologie des sons que pouvait produire le Non-Band, le bien nommé, avec ce disque éponyme qui sort aux éditions Thal Records, qui a sorti aussi d'ailleurs un autre disque, cette fois-ci de monsieur Schneider, Stéphane Schneider lui-même, aux côtés de Katharina Grosse, sous le titre Tiergarten, que je n'ai pas encore eu vraiment le temps d'écouter, donc on vous proposera ça sans doute dans un prochain épisode de l'Asile le plus sûr. On va continuer avec un projet, on va dire les régionaux de l'étape peut-être, même s'ils sont à moitié auvergnois, breton d'adoption. Il s'agit bien évidemment de La Terre Tremble avec leur quatrième opus qui vient de paraître aux éditions Muraille Musique, et donc ils sont en tournée d'ailleurs mondiale, ça va même passer dans le sud de Finistère, figurez-vous, La Terre Tremble. Et on a eu l'occasion de les entendre à Rennes il y a de ça quelques jours pour un concert aux Agités du Bocal. On va écouter le titre qui démarre cet excellent disque Faux Bourdon. Je vous ai proposé le troisième titre, si je ne m'abuse, de ce disque qui vient de sortir en vinyle avec une très très belle pochette d'ailleurs, et en CD aux éditions Muraille Musique. Et on attaque donc avec Henry and I, La Terre Tremble. Thank you. The thing is gone. Voilà, une musique susceptible de briser les vitres et aussi de combattre les idées noires. Tout d'abord, Le Faux Bourdon de La Terre Tremble et le titre Henry and I, très très beau disque de La Terre Tremble qui continue d'avancer son petit bonhomme de chemin, toujours de traverse et toujours dans l'invention autour d'un néo-psychédélisme à leur sauce. Et ça fait vraiment du bien de réentendre un nouvel opus de nos camarades La Terre Tremble, avec donc ce quatrième disque en date et cette très belle pochette d'ailleurs pour ce nouvel opus. Et on a enchaîné avec la grande prêtresse post-gothique Diamant des Galaxies et deux nouveaux disques qui viennent tout juste de paraître, elles qu'on n'avait pas entendues depuis les deux précédents, les deux doubles précédents, notamment Guilty Guilty Guilty qu'elle avait sorti en 2008. Elle n'avait rien sorti depuis lors, la grande prêtresse gréco-new-yorkaise qui a démarré au début des années 70 et qui s'est fait connaître à la fin des années 70 avec un disque notamment qui était sorti aux éditions Métalangage de Henry Kaiser. Elle a surtout été célèbre dans les années 80, notamment pour ses réinterprétations des textes de Baudelaire, les litanies de Satan, de manière particulièrement truculente, je dois dire, vers 1982-84. Puis elle a continué à pousser la chansonnette, même si c'est difficile d'appeler ça comme ça, vu le registre et la tessiture de cette diva assez incroyable. Et voilà, maintenant à peu près 65 ans au compteur, et elle a rien perdu de sa superbe, et elle continue de chanter toujours dans un registre où elle reprend gospel, des blues, des choses assez classiques ces dernières années, mais à sa sauce. Beaucoup de thèmes du grand répertoire américain chanté tout en temps par Billie Holiday que par Sinatra par exemple, où elle est capable aussi de reprendre les Supremes et des choses très très gospel, mais de les magnifier de façon assez incroyable. Et donc deux nouveaux disques pour la diva new-yorkaise, le All The Way sorti par le label Intravenal Sound Operations, qui est un disque enregistré donc en concert, fait principalement des solos piano voix ces dernières années, Diamant des Galaxies. Et donc le titre qu'on entendait, qui était un thème qui a été chanté par Nina Simone d'ailleurs, l'excellent The Thrill Is Gone. Elle reprend aussi du Patti Waters, des chansons chantées par Billie Holiday sur ce nouvel opus, et c'est vraiment très très bon comme toujours avec cette diva gothico extravagante. Et elle sort aussi un autre opus sous le nom de In Concert at St. Thomas the Apostle Harlem, qui est donc un autre concert, cette fois-ci principalement de chansons un peu funèbres chantées en italien, en grec, en allemand et en français dans le texte, notamment des reprises de Fernand et d'Amsterdam de Brel. Voilà pour Diamant des Galaxies qui repart en tournée. En général, elle sort un ou deux opus et elle part en tournée mondiale. Donc si vous ne l'avez pas vu à ce jour, essayez de vous ruer à l'un de ces concerts, c'est toujours assez incroyable. On ne sait jamais d'où vient le son, on a du mal à imaginer qu'une personne aussi frêle puisse avoir une cage thoracique et puis une voix aussi tonitruante. Voilà pour Diamant des Galaxies. Et on va continuer avec d'autres musiciens tout aussi fameux. Il s'agit des Italiens de Zoo qui sont de retour en ce printemps 2017 avec un nouvel album. Donc le projet de Massio Pupillo et ses camarades de retour avec un disque sous le titre Jator, J-H-A-T-O-R. TOR, qui est un disque assez différent de ce qu'ils ont sorti ces dernières années. Je pense notamment à l'album Carboniferous, qui était sorti fin 2000, qui marquait un peu un tournant beaucoup plus métal dans la musique de Zoo, qu'on avait connu dans un registre un peu post-free rock, free jazz, et puis dans des expérimentations assez industrielles également. Et Carboniferous était un disque qui était sorti aux éditions IPCAC, peut-être un poil trop produit, en tout cas à mes oreilles. Celui-ci qui sort ces jours-ci aux mêmes éditions IPCAC est un poil plus intéressant, je trouve, avec deux longues pièces un peu dronesques, avec une recherche sonore assez évidente. Il continue de chercher assez allègrement les zoos, et apparemment il devrait sortir un nouvel opus plutôt de composition. Ça fait plutôt de la musique un peu exploratoire, un peu atmosphérique pour ce Jator, et devrait sortir apparemment peut-être des compositions un poil plus rock dans l'année. On écoute un extrait de cet opus avec un bout de la façade de ce disque. La pièce s'intitule A Sky Burial. On écoute Zoo. Vous êtes toujours dans la zone le plus chère sur l'antenne du 94 MHz avec une séquence moi, qui faisait furieusement penser à du Coil, notamment le nouvel opus de Zoo sous le nom de Jator qui vient tout juste de paraître. Deux longues pièces avec celle qui figure sur la face A de ce disque, de ce 33 tours qui est aussi sorti en CD avec plusieurs couleurs de vinyle également d'ailleurs. Et donc sur ce Zoo, des ambiances un peu japonaises, un peu aussi coiliennes sur les bords, avec presque des drones de Biniou sur le titre qu'on entendait, et pas mal d'invités aussi sur ce nouvel opus aux côtés des membres réguliers de Zoo qui ont principalement changé de batteur. Et on retrouve sur ce nouvel opus notamment Christopher Lowe qu'on a pu rencontrer dans le projet Microtub aux côtés de Martin Taxt, ainsi que Stefano Piglia par exemple, ou encore Michio Yagi Okoto, qui est une musicienne qu'on a entendue aussi ces derniers temps aux côtés par exemple de Joey McPhee dans un disque qu'on vous avait proposé il y a de ça quelques semaines. Et puis il y a aussi Lorenzo Strecconi pour ce disque de Massimo Pupillo et Luca Timai et Thomas Jarmir. Et apparemment donc il devrait y avoir un disque un peu plus métal à sortir également d'ici la fin de l'année. Et on a enchaîné avec un nouveau projet du saxophoniste de Zoo et aussi de Mombu, Luca Timai, aux côtés d'un musicien pas très connu d'ailleurs, Luciano Lamana, qui figure dans les projets Lunar Lodge et autres Balance. Et ensemble ils forment le duo Divus ou Divus, qui vient de sortir un opus, un disque éponyme sur l'excellent label du valeureux Onga et son label de Trévise, Boring Machines. 5 pièces dans ce registre, non 4 pièces dans ce registre un peu post-jazz avec de l'électroacoustique mêlé au feulement, on pourrait dire, de Luca Timai et son sax baryton. On va continuer avec un autre saxophoniste pour lequel il y a un portrait dans le magazine anglais The Wire de ce mois d'avril. Il s'agit de Seymour Wright. Seymour Wright qu'on a rencontré principalement pour des disques qu'il avait sortis aux côtés de son mentor, le batteur d'AMM Eddie Prévost, lui qui a sorti une thèse sur l'improvisation d'AMM. Il y a un très très beau portrait donc dans le magazine londonien qui lui est consacré, et ça m'a donné l'occasion d'écouter son très beau projet en duo sous le nom de XT, qui a sorti un disque qui est vraiment exceptionnel, c'est le cas de le dire, vraiment incroyable, totalement soufflant, ce projet du saxophoniste Seymour Wright aux côtés du batteur Paul Abbott. Un disque qui est sorti l'an dernier aux éditions Pleasure of the Text Records, qui est le label dont s'occupe le trompettiste Ned Woolley depuis quelques années, qui sort des disques assez sporadiquement mais toujours de très très bon goût, à l'image de cette session enregistrée live au Café Auto à l'automne 2015 de ces deux musiciens qui se rencontrent assez régulièrement. Ils improvisent notamment dans différentes configurations. Là c'est une pièce qui fait pas moins de 80 minutes. On commence par un côté un peu sax post-free assez classique, et puis on embraye assez vite dans une recherche sonore du feu de Dieu. Et apparemment, d'après le magazine anglais The Wire, ces deux zouaves devraient sortir également un nouveau disque prochainement sous le nom de Tanadanu Roll, ce qui promet, j'imagine, à l'image de ce pas enregistré donc au Café Auto le 24 novembre 2015. On écoute le projet XT. Yeah. We'll be right back. C'est une incroyable rencontre entre le saxophoniste londonien Seymour Wright et le batteur Paul Abbott, qu'on connaît un tantinet moins, mais qui est aussi assez actif dans différents projets d'impro free de la scène européenne anglaise. Et Seymour Wright, donc, avec son saxophone alto, peut-être en plastique. C'est un disque qui est sorti il y a de ça pratiquement un an, c'était à l'été 2016, aux éditions Pleasure of the Text, sous le titre Pas, pour voilà, ce duo qui devrait produire un nouvel opus en 2017. Et en attendant, indépendant. Donc une très belle interview à lire dans le magazine The Wire du mois d'avril, déjà en kiosque. Voilà, on va se quitter en quelques instants. Le temps pour moi de vous rappeler que cette émission est entièrement réécoutable, podcastable à partir de son blog asile35.blogspot.fr avec des inédits, les playlists et puis pas mal de liens pour aller naviguer dans les musiques de traverse qu'on vous propose semaine après semaine. Et on se quitte avec un disque du compositeur électroacoustique hollandais Michel Banabila et un disque qu'il a sorti sur son propre label Tapu Records sous le titre Sound Years, qui est une balade dans ses différentes pièces enregistrées ces dernières années. Lui qui enregistre beaucoup pour les films, l'art vidéo, la danse et le théâtre, et qui a sorti quantité de disques depuis le début des années 80, tant aux éditions Stalplatt que assez récemment, notamment des disques qui sont sortis aussi sur Bureau B, qui a sorti une anthologie de ses pièces des débuts en 2016. Voilà pour Michel Banabila, une très très belle musique électroacoustique d'ambiance pour se quitter. Je vous souhaite une excellente nuit et une très très belle semaine. On se quitte donc avec un extrait de ce disque de Michel Banabila, le Sound Years, et puis ce sera un extrait qu'on pourra écouter un peu plus largement à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Très très belle semaine à vous, à bientôt. Oh. Thank you. Thank you. just awareness. Thank you.